La première. 13h30, 14h30. Un jour dans l'histoire. Laurent de Hausset. Nous sommes au début du XIVe siècle, c'est l'histoire d'un cheval que nous allons vous raconter, l'histoire de Fauvel qui s'approprie la maison de son maître. Nous sommes sous le règne de Philippe le Bel, puis de ses successeurs, les rois maudits. L'Occident affronte une période de crise, on assiste au déclin de la féodalité, des troubles graves secouent l'église catholique. Le roman de Fauvel, c'est une satire et une allégorie, c'est un texte écrit entre 1310 et 1316. C'est ce que l'on appelle un ammonitio regum, une mise en garde destinée au roi afin d'enseigner ce qu'est le bon et le mauvais gouvernement. En clair, c'est une critique de la corruption de l'Église et du système politique. Allons donc y voir de plus près et peut-être, qui sait, en prendre un petit peu de graines. Un jour dans l'histoire, 13h30, 14h30, sur la première. Fais-nous vengeance de Fauvel, qui de toute France met le fruit à perdition. Si tu n'y mets provision, par lui feront-tu le retour en enfer. Extrait ici d'un CD Harmonia Mundi, c'est le roman de Fauvel par le clémentique Consort avec un récitant qui s'appelle René Zosso, et on le verra tout à l'heure d'ailleurs, il y a de la musique aussi avec ce roman de Fauvel. On va en parler donc avec Thibaut Radom. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes historien de l'art et archéologue, médiéviste, et vous allez donner une conférence ce dimanche à 15h à l'espace Bernier au centre culturel Waterloo, le roman de Fauvel, une satire politique au temps des rois maudits. Alors, on est au début du 14e siècle, je le disais, Philippe IV règne, Philippe le Bel, c'est le 11e roi de la dynastie des Capétiens directs, il sera sur le trône entre 1285 et 1314. C'est un début de siècle qui est très troublé. Quelles sont les principales caractéristiques de ces troubles ? Il y a d'abord la guerre. Philippe le Bel mène en particulier la guerre en Flandre, et cette guerre en Flandre contre Guy de Dampierre, qui est allié avec le roi d'Angleterre, va coûter très cher. Pour résoudre ses difficultés financières, Philippe le Bel va devoir trouver de l'argent. Et l'argent, on le trouve en imposant, en levant de nouvelles taxes, ou on le trouve également en jouant avec la monnaie. Et Philippe le Bel va beaucoup jouer à dévaluer la monnaie royale, ce qui va provoquer une instabilité monétaire très importante, qui va avoir des conséquences sur l'opinion publique et sur la stabilité économique du royaume. Opinion publique, le peuple qui se révolte. Oui, au fur et à mesure de l'avancement du règne de Philippe le Bel, on a deux noyaux de révolte. On a une révolte nobiliaire, une révolte aristocratique, qui va s'exercer principalement à la toute fin du règne de Philippe le Bel. Et puis, on a une révolte aussi des milieux plus populaires et bourgeois, bourgeois en particulier, parce que, tout simplement, ces bourgeois veulent pouvoir exercer une activité économique dans un encadrement stable, etc. Et Philippe le Bel ne peut pas apporter ces conditions-là en jouant sans cesse, entre autres, avec la monnaie et en levant de nouvelles taxes. Alors, il y aura aussi des conflits, des tensions très très fortes avec la papauté. Ça, on va y venir dans quelques secondes avec vous, Thibaut Radom. Il faut aussi préciser que Philippe le Bel, il arrive après un règne, celui de Louis IX, qui a été très très prospère. Absolument. Non seulement très prospère, après, il y a eu, comme dans tous les règnes, et c'est d'ailleurs vrai aussi pour le règne de Philippe le Bel, qui n'est pas entièrement négatif, loin de là, mais il y a eu des choses négatives dans le règne de Saint-Louis, bien entendu. Mais ce qui est important pour l'historien, c'est que les contemporains et les immédiats successeurs du temps de Saint-Louis ont gardé un souvenir exceptionnel de ce règne, à tort ou à raison. Mais on parlait du règne de Saint-Louis en disant le bon temps de Monseigneur Saint-Louis. Et je vous parlais tout à l'heure des révoltes nobiliaires ou aristocratiques. Un des principaux biographes de Saint-Louis, qui est Jean de Joinville, va participer à ses révoltes contre Philippe le Bel. Il déteste Philippe le Bel et il écrit un panégyrique en l'honneur de Saint-Louis dans son texte très célèbre, La vie de Saint-Louis. Donc c'est très marqué, cette opposition entre une figure de roi adoré, dont le souvenir va être embelli avec le temps, qui sera le premier roi saint du royaume de France, donc c'est un symbole extrêmement important, et Philippe le Bel, qui, il est vrai, va être jugé très négativement par ses contemporains. Alors vous le disiez, ce n'est pas qu'un règne négatif, celui de Philippe le Bel. Qu'est-ce qu'on peut mettre à son actif ? On peut mettre à son actif que c'est sans doute celui, le roi qui va achever les grands travaux de modernisation de la France entrepris par Philippe Auguste. On a trois grands rois qui traversent le XIIIe siècle, Philippe Auguste au début, Saint-Louis au milieu, et Philippe le Bel qui parachève ce travail de modernisation, de centralisation de l'État, de réforme, de tout est rendu efficace, tout est rendu pragmatique. On est véritablement avec Philippe le Bel, sans doute avec le premier roi moderne, le premier roi d'un État moderne en Europe. Et puis, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, sous le règne de Philippe, la France est à l'apogée de sa puissance. C'est la première puissance européenne et donc mondiale, et c'est aussi le travail de Philippe le Bel, certainement. Et pour pimenter tout cela, il y a quand même un petit scandale, enfin un grand scandale sexuel, c'est un scandale d'État, c'est l'affaire de la Tour de Nesle, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, en quelques mots, Dominique Strauss-Kahn n'a rien inventé. L'affaire de la Tour de Nesle, c'est un problème avec les Brus, les belles-filles de Philippe le Bel, qui sont accusées d'adultère. Philippe le Bel va réagir de manière extrêmement ferme, extrêmement violente, en bien entendu tuant les coupables de l'adultère avec ses belles-filles, qui seront d'abord torturées, exposées en place publique, décapitées, etc. Et puis ces Brus, elles vont être emprisonnées, écartées de la famille royale, et ça va être un immense scandale qui va rentrer dans la mémoire collective, qui va rentrer dans les lettres, qui va rentrer dans l'opinion publique. Je répète ce mot, mais c'est vraiment ça. Oui. Et les grands auteurs du 19e notamment vont s'emparer aussi, je pense, Dumas, de cette histoire-là. La fin Absolument. Du règne de Philippe le Bel se décline en guerre de succession. On en arrive au roi maudit. Pourquoi maudit et qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, on a donc Philippe le Bel qui décède dans des conditions, disons, agitées. La société est agitée au décès de Philippe le Bel en 1314. Et puis, on a son fils, Louis X, qui monte sur le trône, qui va avoir un règne très court, de 2 ans, un règne pas très apprécié. Et le problème, c'est que quand Louis X décède, il n'a pas encore de fils, il n'a pas encore d'héritier. Son épouse est enceinte, elle va donner naissance quelques temps après, donc on a un temps de régence avec le futur Philippe V. Et puis Jean, le fils de Louis, naît, mais meurt très rapidement après, dans la toute petite enfance. Donc on l'appelle Jean Ier le posthume, puisqu'il est mort très très jeune après sa naissance. Et c'est donc Philippe V qui va faire des manigances, qui va faire en sorte de monter sur le trône, en volant, entre guillemets, le trône à la fille aînée de Louis X. Et donc, il va argumenter sur le fait qu'une femme ne pourrait pas monter sur le trône de France, alors que ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Et il va créer un précédent en écartant Jeanne du trône de France et en prenant le trône pour lui, en argumentant, et ça fait écho à ce qu'on disait à l'instant, en disant « Je n'ai que 2 générations de distance avec Saint-Louis, toi, Jeanne, tu en as 3. Ouais. » Et donc vraiment, on retombe sur ce qu'on disait, l'image de Saint-Louis qui est absolument fédératrice à cette époque-là en France. On va voir aussi avec vous, Thibaut Radom, que les questions d'ordre religieux sont au premier plan de l'actualité en ce début du XIVe siècle et qu'elles vont nous aider à comprendre ce dont on parle aujourd'hui, le roman de Fauvel. Un jour dans l'histoire, sur la première. « Les écuyers qui bien se cuivent, les aveux les pieds et s'y les fuivent, et s'y font nouvelle litière, si que Fauvel leur fait grand chière. Chanoine, chapelain, personne, moelle, noviole, toute conne, par bois, par ville et par marais, torchent à Fauvel les garets. » Entre les cuisses près des aides, frotte ta Fauvel, nerfs et veines, et cordeliers et jacobins. Voilà, extrait encore de ce roman de Fauvel dont on parle avec vous aujourd'hui, Thibaut Radom, critique, satire, allégorie du pouvoir au XIVe siècle. Alors on l'a dit, l'Église catholique en ce début de XIVe traverse de graves crises. D'abord un conflit diplomatique entre le pape Boniface VIII et le roi de France, donc Philippe le Bel, Philippe IV. Une origine fiscale, comment ce conflit est-il géré ? Assez difficilement. L'origine, donc, comme vous le dites, c'est fiscale, hein, c'est-à-dire toujours dans le contexte des guerres en Flandre, Philippe a besoin d'argent, et donc il lève une taxe sur le clergé, et Boniface ne l'entend pas du tout de cette oreille, il dit « Non, on ne peut pas lever une taxe sur le clergé sans mon accord, sans l'accord du chef du clergé. » Et donc, ce conflit va s'envenimer, ils vont s'envoyer à la tête les armes dont ils disposent, c'est-à-dire que il va y avoir des menaces d'excommunication de la part du pape, le roi va menacer le pape de lui envoyer ses armées, enfin, situation extrêmement tendue, qui va se résoudre, ou en tout cas s'achever plutôt en faveur de Philippe le Bel, tout simplement puisque Boniface décède, et puis on lui trouvera pas immédiatement un successeur, et finalement ce sera un évêque français, qui va devenir Clément V et qui va donc être un pape soupçonné d'être à la solde, entre guillemets, du roi de France. Et c'est d'ailleurs ce pape-là qui va plus tard s'installer en Avignon pour échapper aux intrigues romaines et qui va donc venir s'installer, encore une fois, sous l'autorité symbolique et géographique du roi de France. Donc on a vraiment le centre de gravité de la chrétienté qui change. Absolument. Ça, c'est un phénomène intéressant à observer et important à prendre en compte. C'est que le centre de gravité religieux et donc aussi culturel bascule. Rome n'est plus le centre de gravité de l'Europe. On arrive en Avignon, tout simplement parce qu'on se trouve là à la jonction entre les deux royaumes qui font la loi au XIVe siècle en Europe, c'est-à-dire le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Puisqu'il faut rappeler évidemment que la France qu'on connaît actuellement est occupée en grande partie par le royaume d'Angleterre à cette époque-là. Dans le décor également, il faut nous souvenir du procès de l'ordre du Templier, du Temple. Philippe le Bel souhaite supprimer les Templiers. Pourquoi ? Officiellement, pour des raisons d'honneur, parce qu'on accuse les Templiers de pratiquer des fêtes sataniques, de pratiquer la sodomie, etc. Officieusement, bien entendu, c'est parce que, encore une fois, Philippe le Bel, d'abord, n'apprécie pas l'influence immense que les Templiers ont acquise, et puis surtout, il a besoin d'argent, et on sait que les Templiers sont très riches. C'est très connu, hein, le trésor des Templiers est rentré dans la légende. Et donc, simplement, il met fin à cet ordre pour récupérer leur fortune. Contexte politique, social, culturel, on l'a compris, très complexe, très troublé. Le roman de Fauvel s'en nourrit. Alors c'est un ouvrage qui s'inscrit dans une tradition littéraire du Moyen-Âge, c'est la satire. C'est une tradition très présente à l'époque, la satire. Oui, absolument. La satire est omniprésente au Moyen-Âge. Alors la satire, évidemment, c'est une invention romaine, c'est une invention antique, pardon. Mais au Moyen-Âge, ce n'est pas un genre littéraire en soi. La satire, c'est plutôt un ton, c'est une intention. C'est une intention de critique du pouvoir. Mais on trouve ce ton satirique à peu près partout. On la trouve dans la poésie des troubadours, on la trouve au théâtre, on la trouve ici, dans des œuvres didactiques. C'est vraiment quelque chose qui est très présent et qui est très riche d'enseignements pour l'historien, parce qu'il nous donne à voir au plus près la société de l'époque. Et qui échappe assez facilement, enfin qui échappe à la censure ou... Disons que les auteurs, les satiristes sont intelligents et trouvent des façons d'échapper plus ou moins à la censure. Une des façons essentielles, précisément, c'est l'allégorie que vous évoquiez tout à l'heure. L'allégorie, c'est une façon de dire quelque chose pour dire autre chose. C'est un discours contigu, si vous voulez. Et les auteurs utilisent l'allégorie précisément. Ils font semblant de parler d'un cheval pour parler de quelqu'un d'autre, bien entendu, pour parler des gens au pouvoir. Alors, on y reviendra bien sûr à ce cheval. Deux cibles privilégiées dans la satire depuis les anciens, justement, c'est la femme et le clergé. Pourquoi ? Alors, la femme, pour une raison toute simple, c'est que la misogynie est sans doute la passion la plus ancienne de l'humanité. Et en effet, on trouve... les auteurs médiévaux n'ont pas à se fouler beaucoup pour trouver des arguments contre les femmes. Ils vont simplement puiser dans l'immense répertoire de ce qu'on appelle les auctoritates, de ce que les médiévaux appellent les auctoritates, les auteurs, les autorités antiques. Donc, ils vont voir chez Horace, chez Tite-Live, chez Perse, chez Juvénal, et ils vont trouver là des arguments contre les femmes. Et puis, l'autre cible essentielle, en effet, de la satire médiévale, c'est le clergé. Pour la satire en langue vernaculaire, en langue française, ça s'explique d'une façon très simple, c'est que le ton satirique en littérature française du Moyen-Âge naît au milieu du XIIIe siècle, dans le contexte d'une querelle, c'est un peu compliqué à expliquer en deux mots, mais d'une querelle à l'université de Paris entre ce qu'on appelle les maîtres séculiers, les maîtres d'université séculiers, et les maîtres d'université mendiants, qui appartenaient aux ordres mendiants, qui étaient donc des frères réguliers. La satire naît dans ce contexte-là, et très naturellement, les satiristes, les premiers satiristes, Rudebeuf, par exemple, qui est un auteur extrêmement célèbre, va prendre pour cible ses frères mendiants. Et donc, critiquer les mendiants va devenir une habitude des satiristes, et en particulier critiquer l'hypocrisie des mendiants, qui prétendent faire vœu de pauvreté radicale, et qui en fait s'enrichissent et accumulent des fortunes immenses. Et le roman de Fauvel fait partie de cette tradition. Nous sommes avec Thibaut Radom. Fauvel bête non raisonnable, chose apparent et non étable, plein de fallaces, vie de voir, figure pour j'en décevoir. Fauvel est bête voirement, car il ne pourrait autrement su bête seigneurie avoir, par raison le peut bien savoir. Un jour dans l'histoire. Voilà, le roman de Fauvel, récité ici par René Zosso. C'est un texte accessible aujourd'hui, Thibaut Radom. C'est un peu compliqué c'est à comprendre. C'est un peu compliqué, évidemment. Oui. Il existe une traduction réalisée par Armand Strubel aux éditions du Livre de Poche, dans la collection Lettres Gothiques. Donc, si nos auditeurs sont intéressés, ouais. En effet, il y a une traduction qui est disponible. Alors, dans la satire, il y a donc une idéologie. Cette idéologie, elle doit être identifiable. Ici, si on a un peu compris ce qui est dit déjà à travers ces extraits qu'on a entendus, on est plutôt du côté du conservatisme. Vous évoquez la misogynie, notamment. Oui, oui, absolument. Alors, la misogynie n'est pas très présente dans le roman de Fauvel, tout simplement parce que c'est pas son propos. Mais par contre, c'est une idéologie, en effet, conservatrice qui craint les troubles de l'époque moderne. En fait, si on veut résumer le satiriste du roman de Fauvel, il a deux reproches à faire. Il a un reproche à faire à Philippe le Bel et il a un reproche à faire au pape. Le reproche qu'il a à faire à Philippe le Bel, c'est qu'il considère que Philippe le Bel salit la royauté en la déshonorant, en n'agissant pas en bon roi et, entre autres, en se mettant en porte-à-faux par rapport à l'Église. Alors que le satiriste, en bon clair, considère que le pouvoir spirituel est au-dessus du pouvoir temporel. Et puis le reproche qu'il a à faire au pape, c'est que le pape est impuissant, le pape est soumis aux volontés de Philippe le Bel, Clément V, qui est venu s'installer en Avignon, et qu'il a donc déshonoré la fonction papale. Et donc le satiriste est conservateur en effet. Ce qu'il veut, c'est préserver l'honneur et la dignité de la couronne française et l'honneur et la dignité du siège papal. Alors les historiens sont tous d'accord à peu près pour dire qu'il faut se méfier bien sûr des comparaisons, des anachronismes, etc. En effet. On est là en période de troubles politiques, économiques et on voit qu'on se réfugie, certains prônent le refuge vers les valeurs conservatrices justement. On assiste à ça aussi aujourd'hui. Oui, j'aurais un peu de mal à comparer comme ça de but en blanc le satiriste du roman de Fauvel qui m'est plutôt sympathique à ces gens-là qui le sont un peu moins, mais là je vous donne mon avis. Disons que le satiriste du roman de Fauvel prône l'absence de changement et pas le retour en arrière. D'accord. Si je peux faire une petite distinction. Il prône plutôt la conservation de ce qui fonctionne et pas le retour en arrière. Oui. Alors l'auteur, le satiriste, qui sont plusieurs, en fait, dans ce roman de Fauvel. Alors, comme souvent, malheureusement, pour le Moyen-Âge, on est un petit peu désarmé. Quant à savoir qui sont les auteurs, on a des noms, mais on se demande s'il ne s'agit pas de prêtres, non. Ce qui est clair, en fait, on a plusieurs versions du roman de Fauvel. Celle dont vous passez des extraits, c'est une version à laquelle ont été ajoutées des pièces musicales et qui est conservée dans un manuscrit unique. Et ce manuscrit est très probablement le travail d'une équipe de rédaction, enlumineur, copiste, bien sûr, poète et probablement musicien. Parce que c'est un ouvrage, un projet complet, total, qui a demandé des expertises. Et puis par ailleurs, on a la rédaction originale du roman de Fauvel, qui est probablement attribuable à un autre auteur. Ce roman de Fauvel, qui est une sorte de multimédia avant l'heure, c'était nouveau à l'époque ? C'était, dans cette forme-là, c'était assez nouveau. Donc on y trouve du texte, de la musique et de l'image dans ce manuscrit, c'est le français 146. Les auditeurs peuvent aller le consulter, il est disponible sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, Gallica, donc ils peuvent le retrouver, français 146. C'est une pièce absolument somptueuse qui mêle donc le texte, l'image et la musique. Alors évidemment, des manuscrits enluminés, on en a bien entendu. Des manuscrits avec de la musique et des romans qui intègrent de la musique, on en a. Mais une telle profusion de pièces musicales qui sont en plus un témoignage d'une évolution musicale majeure, c'est-à-dire que c'est un texte qui est à la pointe de l'évolution musicale au début du XIVe siècle. Il est le représentant de ce qu'on appelle l'ars nova, l'art musical nouveau, dont Philippe de Vitry, par exemple, est un très grand nom. Et donc ce français 146 est une pièce qui est étudiée très abondamment par les musicologues parce qu'il s'agit d'un témoignage exceptionnel, véritablement. Ça veut dire que ce roman de Fauvel est représenté ou a été représenté sur une scène ? Ça, c'est une question très, très difficile. On peut imaginer... Ce qui est clair, c'est que le manuscrit en tant que tel est une espèce d'invitation à tous les sens. C'est un spectacle en soi. Et il ne faut jamais oublier, c'est quelque chose qu'on oublie toujours, mais il faut voir la double page du manuscrit. Mmh. Et tout le manuscrit est construit sur cette double page. Après, quant à savoir comment ce roman de Fauvel a pu être lu, c'est très difficile, on est assez désarmé pour savoir ça. Ce qui est clair, c'est que c'est une œuvre très longue, donc si c'était une représentation, c'était sur plusieurs journées, soirées. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'en effet, la lecture au Moyen-Âge est généralement une lecture collective. C'est une lecture de sociabilisation dans des cercles aristocratiques avec un lecteur qui récite le livre lu à toute l'assemblée. On va revenir à l'histoire de ce roman de Fauvel avec vous, Thibaut Radom, et aussi à ce personnage qui est le cheval et qui est un cheval roux. Prudens fortuna, petimus te, voce sublumna, falve lundana, quida nobis terra damna. Prudens fortuna, petimus te, fortune. Voce sublumna, falve lundana, quida nobis terra damna. Comment souffres-tu que cela m'en soit revêtu de tels biens et de telle noblesse? Et que doit que ton cœur ne blesse ce qu'il osa passer ton seuil par son envenimé conseil? Pour ton corps demander à femme, qui est la souveraine dame de tout le monde après la reine à qui le ciel est tout enclin. Et, dame du ciel aimerée, de saint et de sainte honorée dedans la cour célestiale, car débris en est spécial. Un autre extrait encore ici donc de ce roman de Fauvel. On peut imaginer alors que ces lectures publiques se déroulaient un peu de cette façon, avec cette ambiance de lecture. Oui, malheureusement, encore une fois, l'historien est un peu désarmé pour répondre à cette question qu'on se pose tous, naturellement. Mais oui, probablement. Ce qui est clair, c'est que ce manuscrit qui présente de la musique, cette musique doit bien jouer un rôle, à un moment ou à un autre, dans la construction esthétique et idéologique du texte. Alors, justement, pour ce qui est de l'histoire, l'intrigue, le noyau de l'intrigue, c'est une demande en mariage. Que signifie cette demande en mariage, Thibaut Radom? Alors là, on rentre de plein pied dans ce qu'est l'allégorie. Cette demande en mariage, elle a lieu entre deux personnages allégoriques. Elle a lieu entre Fauvel, le héros, entre guillemets, l'anti-héros de notre roman, et Fortune. C'est donc Fauvel qui va demander la main de Fortune. Fortune, c'est une divinité d'origine antique qui va avoir un succès immense au Moyen-Âge et qui représente, qui incarne le caractère aléatoire des existences humaines. Fortune, elle est représentée avec une grande roue qu'elle tourne pour exprimer le fait qu'on puisse monter ou descendre dans les succès d'une existence. Et donc Fauvel va demander la main de Fortune parce qu'il veut assurer la pérennité de son règne. En fait, il veut épouser Fortune afin que Fortune lui soit attachée et que pour elle, elle immobilise sa roue. Une fois qu'il sera au sommet de la roue, il ne pourra plus en redescendre. Alors, ce Fauvel, c'est un cheval roux. Alors, pourquoi un cheval? Et on va voir que la couleur a l'importance aussi. Alors, pourquoi un cheval? On a plutôt l'habitude, dans la littérature allégorique et la littérature allégorique qui représente des animaux, d'avoir des animaux moins nobles comme incarnation du mal, puisque, donc, on l'a compris, un Fauvel incarne le mal. On a le renard, bien entendu. On a l'âne, plutôt. Certains parlent de l'âne Fauvel, mais... Oui, alors ça, c'est en effet, c'est une petite erreur pour plusieurs raisons. Donc, l'originalité, précisément, du roman de Fauvel, c'est qu'il a décidé de représenter, d'incarner le mal dans un cheval et pas dans un âne, comme ça aurait été plutôt attendu. Après, ce cheval évoque beaucoup d'images aussi pour l'esprit médiéval, pour le lecteur médiéval. Une des premières images que ça évoque, bien entendu, ce sont les chevaux de l'Apocalypse. Les chevaux qui annoncent l'avenue de l'Antéchrist, tout comme Fauvel, dans le roman de Fauvel, est censé être le signe avant-coureur de l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre, et donc de l'arrivée de la fin des temps. Et c'est vrai que cet esprit apocalyptique est très présent à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, parce que les temps sont troublés, et que donc les auteurs, les intellectuels du temps, s'inquiètent de l'arrivée de la fin des temps. Alors, un cheval roux. Pourquoi cette couleur, cette teinte? Alors la rousseur, c'est une couleur qui a toujours été crainte, méprisée. Judas, le traître qui livre Jésus, Judas est censé avoir les cheveux roux. Il est censé porter des vêtements jaunes. On le représente souvent dans les miniatures, les enluminures médiévales, portant du jaune. Sachant que le roux, c'est la couleur jaune exacerbée, si vous voulez. C'est le mélange de tout ce qu'il y a de négatif dans le jaune et dans le rouge. Donc le roux, c'est l'incarnation de la trahison, c'est l'incarnation de la fausseté. Et puis il y a aussi une raison physique à cela, c'est que les personnes qui ont des cheveux roux ont souvent des taches de rousseur et que le Moyen-Âge a une hantise de tout ce qui n'est pas pur. Il a une hantise de tout ce qui est tacheté, constellé. C'est Michel Pastoureau, l'historien de la symbolique médiévale, qui a dit cela. Et donc, Ces taches de rousseur sont vues comme une maladie, même. Exactement. De la peau, hein, ouais. Oui, les taches de rousseur, elles évoquent les maladies de peau qu'on connaît bien au Moyen-Âge, la lèpre qui est détestée et crainte entre toutes. Et donc, les roux sont considérés comme des parias parce qu'ils n'ont pas la peau pure et qu'ils semblent malades. pour un esprit médiéval. Alors donc on a ici vraiment le mariage de ce qui pourrait être la vertu, c'est-à-dire en tout cas incarner le bien, c'est le cheval, et puis le vice qui est incarné par la rousseur, et on mélange les deux. Quoi. On mélange les deux et on a l'incarnation du mal. En fait, Fauvel est le digne successeur de Renard, et Renard à la fin du XIIIe siècle, Renard qu'on connaît bien, hein, Renard du roman, ouais, de Renard. Au départ, c'était un petit gars sympathique qui jouait des tours au loup, etc. Et il va devenir l'incarnation du vice, l'incarnation du péché, l'incarnation des ordres mendiants qui sont tellement détestés par la satire médiévale. Et donc, Fauvel est le successeur, l'héritier de ce Renard, incarnation de tous les maux. Alors, est-ce qu'on sait, Thibaut Radom, qui se trouve derrière ce masque allégorique de Fauvel ? Certains historiens ont proposé d'y voir Enguerrand de Marigny. Enguerrand de Marigny, qui est un ministre de Philippe le Bel, un très proche conseiller, qui est en fait un homme issu de la petite noblesse, de la petite aristocratie de province, et qui va avoir une carrière fulgurante à la cour du roi de France. Qui dit carrière fulgurante, dit bien entendu jalousie. Et ce sont en particulier les princes de sang, donc les frères de Philippe le Bel, qui vont être extrêmement jaloux de cet arriviste qui leur fait de l'ombre. Et donc, on a pu supposer que le roman de Fauvel aurait été commandité par les princes de sang qui auraient voulu le faire rédiger comme une arme contre cet Enguerrand de Marigny. Enguerrand de Marigny qui ne terminera pas très bien. Qui ne terminera pas très très bien puisqu'il va être accusé, enfin il va être traîné en procès pour malversation financière et donc il va finir exécuté en place publique, ce dont le satiriste se réjouit. Est-ce que on peut considérer que cette période d'écriture du roman de Fauvel, donc 1310-1316 environ, est une période charnière également pour le sentiment religieux? Oui, on arrive. Il y a une certaine évolution de la religiosité sur la fin du Moyen-Âge. Alors, c'est difficile de parler de ces choses-là, qui sont des choses très lentes et difficiles à observer, bien sûr. Mais la crise que traverse l'Église catholique n'est certainement pas étrangère à l'évolution de ce sentiment. L'installation du pape en Avignon, les troubles à Rome, vont mener à la fin du XIVe siècle, au grand schisme d'Occident, où on aura donc deux dynasties papales concurrentes, le pape à Rome et l'antipape en Avignon. Et c'est vrai que cette fragilisation de l'Église, qui se rend compte que le pouvoir temporel prend le dessus sur elle, va amener à une intériorisation de la piété. La piété va s'individualiser, c'est ce qu'on appelle la devotio moderna, la dévotion moderne, qui est une pratique spirituelle beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, qui se distancie de l'institution. Il y a quelque chose de très moderne, en fait, dans cette nouvelle piété de la fin du Moyen-Âge. On va en apprendre encore beaucoup plus avec vous, Thibaut Radom, dimanche à 15h. Le roman de Fauvel, une satire politique au temps des rois maudit, c'est à l'espace Bernier, au centre culturel Waterloo, rue François Libert, au numéro 26, pour être précis. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à vous. 13h30, 14h30, sur la première. Un jour dans l'histoire.